Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Caprice de lecture, où aujourd'hui je ne reçois pas un écrivain, ni un éditeur, mais une professionnelle du livre, puisqu'elle est responsable de bibliothèque. Martine, bonjour. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans les studios de Fadjet. Donc nous allons faire cette émission comme d'habitude, donc découpée en trois parties. Un interrogatoire musclé pour Martine. Y a pas de souci. Ensuite, en deuxième partie, on découvrira une librairie insolite à découvrir. Et en troisième partie, un caprice de la semaine. Volontiers. On commence tout de suite, Martine. Alors, comment as-tu choisi et comment as-tu embrassé la carrière de bibliothécaire ? Alors, c'était une vocation. Non, pas du tout. En fait, je me destinais à l'histoire. Et puis, il s'est trouvé que partout où je partais, ça me ramenait vers le livre. C'est incroyable, ça. Hein ouais. Donc, j'ai travaillé en librairie. Je suis repartie à la fac. J'ai travaillé pour un centre de documentation. Je suis repartie à la fac. On m'a proposé de travailler dans une maison d'édition, alors qui se trouvait... Alors, c'était une maison d'édition, je vais taire le nom, mais c'était Paris, Londres, New York, Nancy, chercher l'intrus. Donc, je me suis bien penchée sur l'intrus, donc j'ai pas donné suite. Et puis, je me suis inscrite à l'IUT. J'avais demandé la com, et puis je me suis retrouvée en métier du livre. Ok. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée en bibliothèque. Mais enfin, bon, après, c'est pas non plus le fruit du hasard, parce que j'ai toujours été entourée de livres, d'aussi loin que je me souvienne, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont jamais fait opposition à mes lectures. Donc, d'accord. Voilà. Ok. Comment conseilles-tu tes lecteurs ? Ah, c'est une bonne question. Il y a des lecteurs, je vais être très... Il y a des lecteurs avec qui on a vraiment envie d'échanger. Ok. Et on a vraiment envie de ce partage-là. Puis d'autres, pour différentes raisons, on va aller dans leur sens. S'ils ont envie de lire du polar, on va leur conseiller du polar, hein, mm-hmm. puisqu'on est là pour ça. Mais d'autres, on a envie aussi que le partage soit plus large. Alors, je vais te dire quelque chose, Sarah, ce qui va peut-être t'étonner. Mais certains lecteurs, je les associe à des livres. Voilà. Ah tiens, voilà. Ok. Quelquefois des personnages, il y a Porthos par exemple. Je vais pas donner le rôle de D'Artagnan, mais il me fait penser à Porthos, donc plutôt le bouquin donc, d'aventure. Il faudrait qu'il y ait plutôt un feeling avec le lecteur, si t'as envie de le diriger, peut-être vers un autre type de lecture. Oui, voilà. Il y a des gens qui me font vraiment penser à des titres de livres ou à des personnages. D'accord. Il y en a une par exemple qui arrive, elle me fait vraiment penser à la Léa de Chéri de Colette. Voilà. Je vois l'incarnation de ce personnage. Donc mes conseils vont être un petit peu orientés, mais mm-hmm. globalement c'est un plaisir à chaque fois et quand on peut vraiment partager. Mais il faut se dire aussi que la réciproque est vraie et quelquefois le lecteur a beaucoup de choses à t'apporter. D'ailleurs, il a oui. toujours des choses à t'apporter. Mmh. Et les échanges se font aussi de ce côté-là. Et d'accord. c'est magnifique. Ok, donc c'est aussi une belle aventure humaine. C'est une très belle aventure humaine. Okay. Très, très belle. Je propose tout de suite une petite pause avec Bing Crosby. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hopalong boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture avec Martine, responsable de bibliothèque, où je poursuis mon interrogatoire musclé avec cette troisième question. Martine, quel est le plus beau compliment qu'on ait pu te faire dans ta fonction ou dans voilà ou avec des collègues ou avec tes lecteurs ou voilà. Alors le plus beau compliment en fait c'est de voir des adultes, enfin des enfants qui sont devenus des adultes et qui viennent inscrire leurs enfants. Ah voilà. Ça c'est chouette. C'est aussi une jeune femme, je me rends chez le fleuriste et il y a une jeune femme qui me dit « Ah, je vais vous faire 10% de réduc ». Alors moi je me dis « J'ai une bonne tête, mon sourire ne va plus ». Et en fait elle me dit « Non, quand j'étais enfant, vous me racontiez des histoires, je venais avec mon instit ». Et elle s'en souvenait. Ah, c'est génial. Voilà, je suis encore un petit peu émue en parlant de ça. C'est vrai. Parce que ouais, c'est super c'est compliment. Chouette. C'est chouette. C'est vrai, ouais. Bon, moi je ne suis pas étonnée. En fait, qu'on te fasse ce compliment-là. Et puis, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait un peu écho. C'est-à-dire que c'est une vraie aventure humaine et c'est intergénérationnel. C'est dingue d'avoir vu des petits bouts de 5 ans et qui reviennent inscrire leurs propres enfants. Bon, en même temps, le temps passe. Hein. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est super. Et c'est plein de cadeaux. C'est une façon de perpétuer aussi une habitude de lecture. Et c'est pas forcément des gens qui étaient d'un milieu, on va dire, où le livre était présent. Okay. Donc, ils ont découvert l'univers du livre par la bibliothèque, aussi par les instituteurs qui font un travail remarquable. Et eux-mêmes perpétuent cette tradition et de dire, voilà, j'étais à la bibliothèque enfant, mes enfants viendront à la bibliothèque. Non, c'est vraiment chouette. Voilà. Et de tout très milieu. Beau. Ouais, c'est vraiment très beau. Est-ce que tu aurais un livre fétiche ou préféré? Et si la réponse est oui, lequel? Alors, j'ai plein de livres préférés, j'ai plein de livres qui font partie de ma vie, mais ça, c'est du domaine du privé. D'accord, c'est à toi, c'est ton petit... C'est mon monde à moi. Voilà. Je distingue ma bibliothèque. C'est ton jardin. Ben, ton jardin secret, c'est à toi. C'est ma bibliothèque, avec les centaines et les centaines de livres que j'ai à la maison, et qui sont mon univers, et que je ne confonds pas avec la bibliothèque. J'ai fait cette erreur quand j'ai monté cette bibliothèque qui n'était pas ouverte au public, et j'ai eu énormément de difficultés à l'ouvrir, en fait. D'accord. Parce que les livres, je me disais, il y a plein de doigts qui vont arriver sur les livres, ils vont être sales, qui va les emprunter? Parce que, bon, mais tu connais, je connais. Tu connais ça. Oui. Les livres, on a l'impression que les livres ont une âme, que ce sont des entités. Oui. Et tu te dis, ouais, je vais les confier à des inconnus, ils vont revenir sales. Et ça a été un combat. Et je me suis dit, il faut vraiment que tu dissocies ta bibliothèque de cette bibliothèque qui est ouverte à tout le monde, Dieu merci. Ok. Dernière question. Ça y est, c'est bientôt fini, Martine. Ah non, mais je prends un temps très sympathique avec toi. Quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs qui, peut-être, souhaiteraient embrasser la carrière de bibliothécaire? Alors, tout à l'heure, tu as parlé de ton parcours d'études. Oui. Mais je pensais peut-être plutôt à un conseil de posture ou à un conseil peut-être d'analyse du lecteur ou tu vois quelque chose comme ça. Alors, moi, j'ai beaucoup de demandes de stage. Et d'accord. On voit tout de suite les personnes qui intégreront et qui iront jusqu'au bout de ce parcours. Il y en a qui y viennent vraiment parce que c'est la voie de garage, pour certains. D'accord. Voilà, on ne sait pas quoi faire. Et puis d'autres qui sont vraiment appelés. Et quand tout à l'heure, je plaisantais sur cette histoire de vocation, je me dis, on fait quand même un petit côté confesseur dans notre métier, puisque dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Ce n'est pas forcément vrai, mais c'est souvent le cas. Mais ça révèle beaucoup de choses. Ça révèle beaucoup de choses. Quoique j'avais une prof de mathématiques d'un niveau vraiment incroyable et qui n'empruntait que des livres de cuisine, et elle me disait, mais parce que je me lave la tête le soir, Oui. Voilà, je suis tellement dans les... Alors, ça, ce sont des exceptions, mais on a quand même un petit côté confesseur, parce que au-delà du bouquin, on fait aussi un métier très social. Il y a des gens qui meurent de solitude, oui. Et la bibliothèque est cet espace où ils peuvent venir parler, oui. Échanger. Oui. Il y a autre chose que le livre, hein. Oui. C'est un tout. Donc, il faut avoir de l'humanité, je pense. Mm-hmm. Il faut avoir une envie de découvrir, ne pas toujours présenter les mêmes bouquins, faire abstraction, alors je plaisantais tout à l'heure, mais faire abstraction de ses propres lectures. De ses choix personnels. Quelquefois, c'est compliqué. Oui. Hein. Mais y a, ouais, c'est une vocation. Il y a une très belle phrase d'Umberto Eco qui dit « Si Dieu existait, ça serait une bibliothèque. » Ah, c'est chouette. Voilà. Super chouette. Donc prenons le voile. L'interrogatoire musclé est terminé pour Martine, mais nous poursuivons cette émission avec une coupure musicale avec José Feliciano, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Prise de lecture sur Fadjet, l'essentiel de l'actualité littéraire. De retour dans Caprice de lecture pour cette troisième partie d'émission. Martine, tu voulais ajouter quelques mots ? Eh bien, je voulais te remercier de cette invitation. Merci très sympathique. À toi. Je voulais remercier monsieur à la console, très sympathique aussi. Il n'y a pas de raison, il ne faut oublier personne. Et puis, te dire que j'ai rencontré très récemment François Bunel, le critique littéraire qui anime la grande librairie. Et je lui dis, mon cher François, tu as une concurrente très sérieuse à Nancy. Et François, j'ai vu qu'il était complètement dépité. Pour... Merci Martine. Mais merci à toi, Sarah. On poursuit cette émission. Alors, généralement, je propose des lieux insolites où lire ou des librairies un peu particulières. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris dans le 9e arrondissement. dans une librairie qui s'appelle Des souris et des hommes. Alors non, il n'y a pas de souris dans la librairie. Il y a Mon péché mignon, des pâtisseries et des livres. Alors c'est quoi cette librairie ? Ce n'est pas une pâtisserie qui vend des livres, mais ce n'est pas non plus une librairie qui propose des pâtisseries. On allie la littérature et la gourmandise, donc on peut rentrer, s'installer, et on peut acheter des livres de cuisine, particulièrement de gâteaux, mais aussi des livres jeunesse. Donc, la librairie propose des ouvrages, spécialisés en cuisine et pâtisserie. Et si le concept n'est pas inédit, Une souris et des hommes est parvenu, grâce à la qualité de son service et la convivialité du lieu, à créer une véritable synergie entre deux activités a priori très éloignées. Je vous invite à consulter leur site internet unesouriesetdeshommes.fr. Ça se situe 17 rue Maubeuge, dans le 9e arrondissement, à Paris. On enchaîne tout de suite avec le caprice de la semaine d'un roman qui est propice aux fêtes de fin d'année de Lise Seven qui s'appelle, alors c'est très très rigolo, Il faut sauver Albert et en tout petit en dessous, Le homard prévu pour Noël. Alors c'est quoi cette histoire de homard prévu pour Noël ? C'est Béatrice qui rencontre Erwan qui lui est complètement déraciné de sa Bretagne natale par choix parce qu'il a une maman qu'on surnomme un peu une maman juive, qui ne comprend pas pourquoi elle ne l'appelle pas tous les jours, qui le couvre, qui le chouchoute, même s'il a 33 ans. Il a rompu avec une jeune femme avec qui il aurait dû se marier, et il a rencontré Béatrice, qui est végane. Pour le plus grand malheur de ses parents à lui, qui sont de très bons vivants, qui mangent du fromage, de la viande, du poisson, qui sont très... voilà. Et il va l'arriver plein d'aventures, et Béatrice va essayer de sauver le homard de 3 kilos de sa faim tragique. Je vous le conseille, c'est aux éditions J'ai lu, Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël. Vous retrouverez la chronique sur le site internet www.capricedelecture.fr. On se quitte avec The Weeknd, Take My Breath. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this. Take my breath. Oh, and make it last forever. caprice de lecture touche à sa fin. Je vous souhaite un bon après-midi. Je remercie encore Martine d'avoir bien voulu participer à cette émission. Mais moi aussi, pour nous parler de son expérience de bibliothécaire. Je vous dis à très vite et en attendant, belle lecture. Au revoir.